Allez. Merci beaucoup. Tu l'as des accords dehors. Un chef. Dingue, on n'a jamais vu ça. C'est le cul 2.0. Ça va, Bando, you rock? Thank you. Ok, merci beaucoup. Ok. Thank you. Ça va bien? Ça va bien ici aussi? Thank you. Bon, je parle à tous les jeunes de la salle, il n'y a que ça. Un morceau 2, 80 et quelques. Allez, vieux! Allez! Bon, ok. Dédicacé à Hugo. Thank you. chanter moins. Pas du tout. Non, en fait, on l'a répété autant que les autres, sauf qu'on n'y arrivait pas. C'est ça qui est bon. Mais là, ça va marcher. Mais voilà, exactement. C'est la magie de Noël. Bon, merci beaucoup d'être là. C'est coolos. Merci à Jimmy pour tout. C'est grâce à lui. On va faire un vrai morceau. Et sans deux yeux. Il s'appelle Anniversaire. C'est mon anniversaire aussi. Merci beaucoup, on va faire un dernier morceau avant l'Ansem from Chicago. Oh non!